tu sais, excusez-moi, tu sais jamais par où commencer, toi. Non, mais tu m'interroges sur des choses tellement factices, faciles, sensibles, étranges, pourvues, grassouillets, petites molécules vibrantes, venues d'ici ou d'ailleurs. C'est le temps, je sais. D'ailleurs, c'est le temps de commencer. Puis non, c'est juste pour me dilater l'esprit, m'amener dans des sentiers près du ruisseau, comme le chantait l'autre. Et l'autre, c'est qui? C'est Félix. Le sentier près du ruisseau. Oui, OK, on l'a déjà chanté. Et puis donc, c'est... Oui, mais vous attendez la petite musique introductive, introspective, reproductive, n'est pas reproductive, quoi qu'on peut la refaire, donc on peut reproduire in vitam paparman, une mélopée très courte, 1 minute 54 secondes. Ça a presque frôlé, là, 1 minute 1. 1 minute 54 secondes. On a presque embrassé le 2. Mais quand tu embrasses le 1, sans te rendre à 2, tu te mentionnes à toi-même. Normalement, si tu te mentionnes, c'est à toi-même. Hein? Tu ne te mentionnes pas pour les autres. Là. C'est comme à l'école, hein? Lorsqu'on prenait les présences. Madame Thibodeau, chez vous, est-ce qu'on a déjà pris les présences? Parce que, hey, cette femme-là, là, elle restait tellement loin que c'était même plus un village, là. C'était presque un microcosme, là. Ils étaient 8 dans leur village. 8! Pas 2, là. 8! Pas 9, là. 8! Les maisons étaient collées pour former, pourquoi on appelait ça le 8? Mais ils n'étaient pas véritablement 8. Quand tu regardais à vue d'aigle, à vue d'oiseaux, les petits oiseaux, là, ou les gros oiseaux, les aigles, les faucons, pèlereurs, mêlereurs, fèlereurs, tèlereurs, c'est une erreur. Les faucons, il faut qu'on s'en parle. OK, alors on va partir. Non, mais c'était quelques blagues que j'ai voulu m'émousser. Oui, je m'émousse. Tille, l'esprit, ai-je le droit? Vous êtes bien gentille, madame. Mademoiselle aussi. Monsieur, c'est parti. Aujourd'hui, le lundi. On ne s'est pas trompé. 23 juillet, monte le volume. Et hume la différence, car c'est parti. Mon kiki. Enregistré au studio des Abeilles dans la vieille capitale et diffusé sur CKRL le 89.1 à Québec, la plus vieille radio communautaire francophone au monde vous propose Errance Rénadienne, une émission baroque et désinvolte. Et voici la bain-fumineuse, le farfadet du surréalisme, le clown le plus imprévisible dans le cercle médiatique actuel, Reynald Gagné! La Javanaise, Serge Gainsbourg. J'avoue, j'en ai bavé pas vous, mon amour, avant d'avoir eu vent de vous, mon amour. Ne vous déplaise, en dansant la Javanaise, nous nous aimions le temps d'une chanson. À votre avis, qu'avons-nous vu de l'amour? De vous à moi, vous m'avez eu, mon amour? Ne vous déplaise, en dansant la Javanaise, nous nous aimions le temps d'une chanson. Hélas, avril en vain de vous à l'amour, j'avais envie de voir en vous cet amour. Ne vous déplaise, en dansant la Javanaise, nous nous aimions le temps d'une chanson. La vie ne vaut d'être vécue sans amour, mais c'est vous qui l'avez voulu, mon amour.

chanson. Le port que tu aimais si bien, et j'y traîne encore comme un crétin, car à t'aimer encore, je suis tellement enclin que je me déchire encore pour me noyer. Enfin, j'ai pas quitté le port que tu aimais si bien, et j'y perds un peu le nord. Je me comporte comme un vaurien, ravagé par les coups du sort, remué par les coups de chien, tellement que je prends l'eau de tous les bords. Et j'écope tout ça en vain, si bien que c'est une belle joie encore, que sur les pontons tendre la main, ton ombre qui s'évapore dans une bouteille de vin. Sur mes désirs, sur tes promesses, crachons, veux-tu bien, sur mon plaisir, sur tes caresses, crachons, veux-tu bien. Jamais je m'en sors, mais ça m'étonnerait bien. Je vomirais tous mes torts entre tes deux seins. Je ne serai plus ce porc qui cogne des deux mains, que t'as balancé par-dessus bord. Comme on se lave les mains, je trouverai un boulot au port. N'importe où, ça ne fait rien. Dire que j'étais si fort, comment j'en suis là, j'en sais rien. Peut-être que les cocus adorent faire les malins avec des mots qui perforent, qui font pleurer les marins. Quand j'ai appris que ton corps n'était plus vraiment le mien, ces mots qui me font crier sacré putain. Sur mon désir, sur tes promesses, sur mon plaisir, sur tes caresses, sur mon plaisir. Subtilité même. En début d'émission, c'est rare. Mais, faut commencer lentement, un peu comme une brise. La tempête, ça arrive pas comme ça, là. Madame Thériault, qu'on n'a jamais nommée à mon émission, Madame Thériault, c'est la genre, elle, c'est son style. D'exploser, puis après ça, de se rétracter. C'est l'inverse, là. Elle commence très, très fort pour s'affaiblir tranquillement. Tandis que la nature, par nature, hein, quand c'est naturel, la nature nous annonce souvent. Il y a des exceptions, je le sais bien, commencez pas à trouver des exceptions. Tous les puristes cherchent l'exception. Ah oui, ben attendez là. En 1976, à Port-Cartier, vous connaissez Port-Cartier, monsieur Gagné? Port-Cartier, près de Cécile, près de Cécile. Votre Cécile. Pas Sainte-Cécile, c'est pas Cécile, c'est Port-Cartier, Sept-Îles. À 55 minutes de Sept-Îles. Alors, à Port-Cartier, il y avait, il y a encore, il y aura toujours des tempêtes de sable. Et là, on n'est pas en Égypte, on n'est pas près du... de, hein, de Lara Fabi. Ça va bien, Lara? Non, on n'est pas dans ta... Non! On est à Port-Cartier, près de Cécile. Côte-Nord, la Côte-Nord, OK. Pour les nouveaux arrivants, pour les gens qui ne connaissent pas Québec, la province, la ville, Port-Cartier, là, c'est pas dans la ville de Québec, là. C'est pas une paroisse. Pour les Suisses, c'est pas un canton. Dans tous les cantons, il n'y a rien à voir avec les cantons. Si on cantait ensemble... C'est presque l'heure de canter, hein? Non, dormez-vous pas, c'est pas... Non, s'il vous plaît. Restez des nôtres. Nous vous revenons pas après la pub. Parce qu'il n'y a pas de pub. C'est 120 minutes, là. Ouh! Les seules petites... Ils ont en fait une... 45 secondes, c'est pour ramener... Pour vous ramener à la réalité que vous écoutez CKRL, le 89.1 à Québec, en compagnie de moi-même. Et on place le nom de l'émission. Tout simplement ça. C'est très court, c'est 45 secondes. Puis c'est une petite musique, là. Ça dépend. Ça dépend lesquelles, là. J'ai 27 idées par seconde. Là, vous avez des idées, ben oui. Identification de la station. Idée. Identification. Pour identification. On l'a dit, mais Sept-Îles, Québec. Rien à voir. Ben oui. Le lien, c'est que oui, c'est au Québec. Donc, des tempêtes de sable à Port-Cartier, ça peut arriver. Mais c'est quand même annonciateur, là. Il y a un petit vent. Et tranquillement, tu vois le sable monter. Je ne vais pas faire un pléonasme, là, monter vers le haut, mais ça monte. Et là, les enfants, nous, parce que quand j'ai vécu ça, j'étais enfant, on voit un nuage de sable s'élever. Comme je dis, on n'est pas en Égypte, là, on n'est pas dans la toundra, on n'est pas à Pigalle. À Pigalle, il y en a de la souffleuse. Il y a-tu de la souffleuse? Il y a de la pompeuse aussi. Il y a beaucoup de pompeuses là-bas. Hey, ça te pompe et un portefeuille, puis pas juste ça, là. Oh là là là là là là là. Puis la question que tout, ben, surtout les hommes, hey, moi, j'ai jamais visité ça, Pigalle, là. Ouais, tu viens de dire que ça pompait, là. Oui, c'est ça que j'ai dit. Mais c'est bien beau pomper, là, mais qu'est-ce qu'ils font avec? Avec quoi? Ben, avec ce qu'ils ont. Ils ont quoi? Ben, ils pompent, oui. Qu'est-ce qu'ils font avec? Avec leur pompe? Non! Non, non, non! Je peux pas dire ça, moi, là. Qu'est-ce que je veux dire? Ben, si tu veux pas le dire, pourquoi tu le dis? Ben, je veux pas le dire, mais j'aimerais que tu le dises. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Ben, tu viens de mentionner... Je suis en train de briser mon cahier. Tu viens de mentionner... Parce que je tords ça, mais quand j'improvise, c'est comme à l'intérieur de moi, je torve. Torver. Allez voir sur dans votre dictionnaire, torver. Alors, je torve. Et donc, ouais, qu'est-ce que vous voulez savoir, monsieur? Ben, vous pompez. Oui, là, vous commencez à me pomper. Vous. Aïe, à toi, là! Non, non, non. À m'énerver. C'est synonyme. Pomper, énerver, là, c'est... Oh, ça veut dire qu'à Pigalle, on énerve. Non, non, ben oui, on titille. Oh, on titille! On titille les brindilles. Oui, monsieur. Et alors, les tempêtes de sable. Ça peut arriver. Puis là, faut pas non plus s'attendre là, à quelque chose. Ben, ça dépend. Des fois, quand la nature est contre nature, elle nous envoie du sable. Puis là, c'est pas le marchand de sable là, en haut là, qui est troublé puis qui garoche ça à travers toutes ses... Parce que lui, il possède des poches de sable. Là. C'est pas un trou. C'est pas par une ouverture exponentielle qui nous expédie tout ça, là. C'est la nature. La nature est imprévisible. Là, j'espère que je n'ai pas appris ça à personne, là, que c'est imprévisible, la nature. Puis on parle souvent, c'est la nature, hein? Il y a un film, Les Tempêtes douces. Jacques Villeray disait tout le temps, c'est la nature. Excellent film. Oh, que c'est beau, vraiment, là. Ça n'a pas vieilli. Je le regarde presque aux 2-3 ans. Mais le film, en fait, les deux films que je visionne à chaque année depuis belle lurette, mais depuis leur parution, peut-être 4-5 ans après leur parution, en DVD, il faut faire attention, là, parce qu'à l'époque, c'est Ciao Pantin. Ciao Pantin avec Coluche, réalisé par Claude Berry. Et le deuxième, c'est Les Nuits Fauves de Cyril Collard. C'est deux films là, que j'adore. Et puis, plus qu'une fois par année, Hôtel Select. Exactement, madame. Moi, j'aime ça, rencontrer, discuter, faire des émissions avec des individus, des citoyens, des membres de CKRL cultivés, bravo, que j'ai reçu, le réalisateur de Select Hôtel. Grand bonhomme, il m'a surpris. Mais non, il ne m'a même pas surpris parce que je m'attendais à ça. Alors, avant d'aller plus loin, quoique là, on est déjà à quelques centimètres près là, de ce que vous vouliez atteindre, là. Oui, là, Ticu Boudreau est en train d'examiner tout ça, là. Il a sorti sa règle d'école. Sa règle d'école a été souvent pris comme arme pour lui frapper les doigts. Pourquoi? Parce qu'il n'écoutait pas à l'école. Et quand tu n'écoutes pas à l'école, tu n'iras pas loin dans la vie. Si tu ne vas pas loin dans la vie, tu devras être constamment. Et là, quand je dis constamment, là, c'est souvent, là. Quand je dis souvent, là, c'est régulièrement, là. Puis quand je dis régulièrement, c'est au quotidien, là. Soumis par les autres qui veulent t'écraser. Et quand on t'écrase, ben ça fait mal, au début. Après ça, ben t'es comme un raisin, hein. Il reste plus de jus, fait que tu sens plus rien. Tu te fais écraser au quotidien, minute par minute, seconde par seconde. Tu t'imagines que c'est la vie. Bon, c'est ça. Venir au monde, c'est de se faire écraser. De ne pas réagir. D'attendre que ça passe. Puis quand ça passe, ben, c'est fini. T'es plus là. T'as même pas pu réaliser que normalement, l'existence, à travers tout ça, il y a un zeste de bonheur. Et ce bonheur-là, bien sûr, c'est chaque personne qui y atteint. Qui y atteint. Avez-vous ça? Qui y atteint. Qui y atteint. Ça dépend de soi. Hein? Ça commence à pleurer dans les chaumières, hein? C'était pas prévu, ça, là, hein? On a passé par le sable. Puis là, le sable nous... Oui, ça nous a été tiré dans les yeux. Parce que le marchand en haut, c'est pas lui qui tire, comme je le disais, c'est pas lui qui tire le sable, là. Ça vient du bas vers le haut. Comme le haut puis le bas Canada. Entre ça, on appelait ça quoi? Le haut, le bas Canada? Vous vous souvenez plus de votre école, hein? À l'école, on apprenait, hein? Allez chercher vos livres d'école. Allez voir à la page 77. Le haut et le bas Canada. Les deux solitudes. Ça n'a pas changé une miette. Ça n'a pas changé! Personne ne connaît personne là-dedans. J'en ai déjà, oui, je sais, j'ai énuméré ça. Mais lorsque vous présentez à un Anglais canadien, tu lui demandes 5 chanteurs, 5 groupes, 5 Québécois, 5 artistes québécois, il ne saura pas quoi. Ben, sans doute le premier nom qui va sortir, Céline Dion. Silent Lion. Ça se limite à ça. Silent Lion. Oui, puis ensuite, Silent Lion Jr. Silent Lion Jr. Jr. Silent Lion Jr. Jr. Jr. Ouais, mais hey, hey, elle a juste enfanté, il me semble, deux petits. petit, pas plus, là. Puis eux autres ne chantent pas, heureusement. Puis elle, elle va s'arrêter, là, heureusement aussi. Mais, et là, tu demandes, parce que nous, excusez-moi, là, les Québécois, connaissons davantage ce qui se passe dans l'autre solitude. 5 artistes, canadiens-anglais, Neil Young, Leonard Cohen. Déjà là, ça fait 2. Hein? Rapidement comme ça, 2, hein? Ensuite de ça, il y en a tellement à pas jeter, là. Il y a Leonard Cohen, puis Neil Young. J'ai oublié Neil Young, puis Leonard Cohen. Ça en fait 6. Il y en a 6. Moi, j'en connais comme ça, là, à la pocheter. En voulez-vous d'autres? Corey Hart. Et ça, ouf. Corey Hart. Puis, dans les réalisateurs, Cronenberg. Corey Hart. Neil Young, mais non. Oui, Neil Young. J'ai dit Leonard Cohen. Et il m'en manque un. Le dernier et non le moindre. Et tu j'étire la sauce. C'est comme quand tu fais de la tire de vieille sœur. La tire des ouais, tu dois étirer, ouais. Exactement. Tu right. Hein, on sent que ça oui, c'est dur pour le bras au début, puis là le lendemain c'est bien certain que tu dois te plonger ça dans l'eau froide. Tu prends des bains à l'eau froide pendant au moins 2-3 semaines à force d'étirer de même. Le dernier et non le moindre. Pardon, excusez-moi, à la prochaine. On va passer une pause. Non, c'est pas vrai. Eh bien, on a nommé au moins une 50aine. C'est le moment d'improvisation. Ouh, on a eu peur, hein? Vous voulez que je les renomme? Je les renommerai pas. C'est fini, ça finit là. Mais il y a une petite actrice que j'ai voulu, réalisatrice aussi, mais que je la vois. Elle a fait un film qui s'appelle Tout sur moi ou quelque chose du genre. Super intéressant, mais je peux pas vous rappeler son nom. Malheureusement. Le moment d'improvisation, c'est 5 mots que je choisis comme ça au hasard. Et quand j'aurai placé ces 5 mots-là, vous allez entendre. Mais l'improvisation ne sera pas finie. Et c'est pour ça qu'à chaque fois que je rénumère. Ben, ce ne sera pas dans l'ordre, là. Ben, vous allez réentendre à chaque fois. Et l'improvisation peut durer comme ça au moins, la dernière fois, hein, 36 heures. 36 heures et demie. Ouais. Et là, et trois quarts. Et les trois quarts s'amusent, oui. Exactement. Dans la forêt. Ensorcelé. Mais là, c'est pas le temps d'improvisation, là. OK, on y va? Alors, c'est air, aller, bleu, boire pour faire un lien avec Miossec. Et bord. Le bord de mer, là, le bord, parce que Miossec est un marin. Il est un gars qui aime bien le large et tout ça. Alors, air, aller, bleu, bois et bord. Puis là, vous allez vous dire, Miossec, c'est quoi cette affaire-là? C'est le chanteur qu'on a entendu à la toute fin de Juliette Gréco. C'est lui. Vous allez rien entendre à la fin de mon improvisation. Une autre pièce musicale de ce grand monsieur. Alors, on répète encore les bords, boire, bleu, aller et air. On y va. Hey, moi, je me souviens encore de l'année dernière. Non, on a eu du plaisir. Hein? Hey, on prenait l'air pour une fois. On est allé voir le ciel bleu. Puis, on se disait tout ça un jour va, comment, plus importe, on s'imaginait que le ciel allait nous tomber sur la tête. Il mouillait à boire debout. On était juste sur le bord de la plage. Oui, on était juste sur le bord de la plage. Puis la plage, là, elle nous projetait des belles images parce qu'on dit souvent que quand tu regardes au large, il se passe des choses. C'est bien beau, oui. Oui, oui, oui. Il y a l'horizon bleu, d'un bleu extraordinaire, métallique. Et Raymond, qui est quand même encore une jeune adolescente, à 92, mais est une adolescente dans l'âme, elle a essayé de... Ben, elle a bu. Elle a pris une gorgée. On lui a dit, essaye donc de boire la mer. Elle dit, de voir la mer? Non, de boire la mer. Une goutte ou peut-être un verre d'eau de mer. Elle était sur le bord du rocher pour puiser. Et c'est presque... Hey, on l'a retenue, elle voulait pas, mais vous savez que sur les roches, il y a comme... C'est verdoyant. Mais c'est une petite croûte très glissante. Elle a passé à un cheveu de s'en aller dans le fond de l'eau. Mais là, pour la réanimer, on lui a chanté un air. Mais là, un air de réjouissance. Allé, allé, alléluia! Puis là, elle était comme choquée. Mais pas choquée, là. Arrêtez de chanter! Non, elle était choquée. Donc, elle s'est réveillée. Elle était bleue, mais elle était bleue. Elle était noyée. Elle en avait bu. Elle arrêtait pas de dire, ah, boire. Ben, j'ai dit, arrête de boire. T'es sur le bord de la dépression. Allez chercher quelqu'un. Allez chercher un médecin. Y a-t-il un médecin? Il y avait personne. Tout le monde était parti au grand air. Parce que quand t'es là-bas, il fait tellement beau, c'est tellement attirant que tu veux pas rester à l'intérieur. Tu sors. Puis plus tu sors, moi, t'es en dedans. C'est assez clair, c'est pas assez, hein? C'est logique, ça. Non, c'est jamais assez logique. Avec toi, c'est jamais assez logique. Mais là, avant de terminer, parce que, hein, on sent le bord du rebord, là, hein? Un peu comme la Terre, on dit que la Terre est ronde. Non, il y a des bords. Il y a des bords, puis il y a quatre bords hein, de un. Puis quand tu regardes au loin, tu vois toujours quelque chose de bleu. C'est pas le ciel. C'est pas le ciel parce que c'est infini. Puis l'infini se calcule, je l'ai déjà dit. Mais c'est tellement beau. Puis t'es prête. Ou t'es prête. Moi, je suis prête. OK, mais t'es prêt à sauter dans le vide pour boire l'infini, pour aller voir qu'est-ce qui se passe. S'il n'y a pas un air de jeunesse là-dedans, puis à chaque fois, t'es comme un aéroplane. Un aéroplane? Ben, un aéro, mais qui plane? Mais c'est un aéroplane, vous avez raison, madame, on ne voulait pas vous reprendre, là. On sait que vous avez une intelligence plus qu'acceptable. Vous avez aussi un âge plus qu'acceptable. Madame, vous avez... Pardon? 97 ans. Ah oh oui, et bien heureuse. Bien heureuse, les 97 heures. Il n'est jamais assez tard pour louanger les 97 ans de madame. Madame Chérette. Madame qui? Chérette. Ben écoutez, bonne chance, merci. Qu'en penses-tu, dis-le-moi, même si je ne suis qu'un bon cheval ou un gros bourrin, tu as le choix d'un air droit assez brutal, évoluant en détroit, qui sont la bière et l'animal, les tacles et la mauvaise foi, c'est ma tournée générale. Qu'est-ce que tu bois de l'horizon, du fond de cale, du sang rival ou de la badoise, c'est bien que tu sois à la finale, dans les vestiaires pour une fois, car si j'ai joué vraiment si mal, c'est que je voudrais encore une fois retourner les miroirs.

Ce qu'on appelle le tunnel de la comédienne de 50 ans. Okay, ouais. C'est-à-dire que les hommes au théâtre, au cinéma, à la télévision qui ont 50, 60, 70 ans ont des femmes de 40, 45 ans maxi. Donc, là, regarde-moi, j'ai pas beaucoup de cheveux blancs, je les teins pas. Les rides, j'ai une bonne nature de québécoise, comme on dit. Fait que je vais sur des rôles, là, on m'en va sur des rôles ben, de mon âge, 55-60 ans. Mais est-ce que c'est difficile ça fait pour plouf, plouf. De jouer des rôles de 55-60? Est-ce qu'il y a des rôles de femmes de 55-60? Il y en a peu, puis dans la vision qu'ils ont des femmes de 60 ans, moi je vais avoir 60 ans dans 3 ans. C'est pas... C'est la petite mamie aux cheveux blancs, puis avec des poches en dessous des yeux, puis c'est plus la réalité actuelle. Non. Alors que moi, je suis pas botoxée, ni... Mais les rôles de femmes, est-ce que ça s'estompe tranquillement avec l'art? Non seulement ça s'estompe, mais en plus, regarde, dans les écoles privées ici, avant d'entrer au conservatoire, au TNS, qui sont les écoles nationales, il faut que tu fasses au moins un an d'école privée. En général, tu en fais 3. 3, c'est quoi? 3 ans. 3 ans, OK. Nous, on a par exemple, dans presque toutes les écoles privées, c'est comme ça. T'as un tiers de femmes, 2/3 de garçons. Après, dans les écoles nationales, ils vont prendre 50% de garçons, 50% de femmes. Pourquoi? Pour la parité, pour... Bien paraître? Ouais. Non, mais non? Peut-être pas pour bien paraître. Peut-être aussi parce qu'ils se disent que pour les rôles, ben il y en a moins pour les femmes. Puis en sortant, effectivement, il y a à peu près... Ouais, les 2/3 de rôles sont pour les hommes, puis le tiers pour les femmes. C'est tout, c'est comme ça. C'est fou. Cool. Ça veut dire qu'un homme qui est un petit peu moins bon qu'une femme qui est géniale, il y a plus de chances de travail. Oui. Ouais. Est-ce que c'est comme ça dans la vie de tous les jours? Je crois que vous aussi. Je crois que vous aussi. Ouais, c'est quand même assez étrange. Est-ce qu'il y a des rôles que tu as toujours voulu faire et que tu n'as jamais réalisé ou que tu n'as jamais... Je... Tu m'as dit des comédies, tu n'as jamais fait de comédie avant. J'ai fait une comédie, deux. Ah, deux? Ah, OK. J'ai fait une comédie que j'ai adorée, vous allez en revenir, parce que la deuxième, j'ai été pas heureuse. OK, tu l'as oublié. C'est faux, c'est faux. J'oublie le metteur en scène, j'oublie l'auteur, puis j'oublie tout. C'est un flop. Mais j'ai adoré, non, ça, en même temps, ça a marché. Ah oui, ça a bien fonctionné, OK. Non, mais ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Maintenant, j'ai beaucoup aimé travailler avec Jean-Louis Martinelli, qui est un metteur en scène vraiment que j'aime beaucoup. Il y a deux metteurs en scène comme ça qui m'ont vraiment touché, c'est Jean-Louis Martinelli et Jean-René Lemoine. Okay. Jean-René Lemoine, qui est français, d'origine haïtienne, qui est un très bon auteur, très bel auteur. Et Jean-Louis Martinelli, qui a été directeur de... Des Amandiers, Théâtre des Amandiers à Nanterre pendant plusieurs années. Et il m'a donné plusieurs rôles, dont un très beau rôle dans un Lars Noren. Okay. Et aussi un rôle très amusant auquel j'ai pris un plaisir fou dans une pièce qui s'appelait La République de mes couilles. Oh. Non mais appelez ça MEC, M-E-K, plus loin O-U-Y-E-S. Et c'était écrit par Jacques Jouet. Alors Jacques Jouet qui fait partie de l'Oulipo. Et La République de mes couilles, c'est un feuilleton qui était... qui continue. Tu sais, les Loulipo, ils écrivent avec contrainte. L'ouvroir de littérature potentielle, ils écrivent avec contrainte. Et là, lui, il est obligé d'écrire au moins quelques lignes par jour de ce feuilleton depuis, mais ça date de la fin des années 90, je pense. Je suis pas sûre, je veux pas dire des conneries. Mais il continue à l'écrire. Puis là, il avait fait une adaptation d'une époque pour le théâtre. Puis on avait joué ça. Et je jouais, tiens-toi bien, quoi. La présidente de la République française. Ah, c'est bon. Oui, c'est tellement. Peut-être qu'éventuellement, il y en aura une. Ben là, vu les circonstances, j'espère que non. Peut-être plus tard, il y aura quelqu'un de bien, mais là... Non, pas maintenant, mais à venir, oui. Mais à venir, j'espère qu'il n'y aura pas la... Non, ça fait pitié. Ça fait pitié. Ça fait pitié. Même au Québec, ça fait pitié. Ah oui? Ben, juste Mais oui, ici, ça fait pitié aussi. Mais est-ce qu'il y a des rôles que tu voudrais reprendre ou que tu as toujours aimé? Je voudrais jouer encore du Lars Norén. Cet auteur-là, c'est plutôt des auteurs. OK. Brecht, j'ai joué avec Martinelli, j'ai joué dans Le brave soldat Schweck dans la Deuxième Guerre mondiale. Et Le brave soldat Schweck, c'était Jean-Pierre Bacri. Oui. On s'est tellement aimés, toute la gang, j'ai envie de dire, que le soir de la dernière, on n'arrivait plus à dire le texte tellement on braillait tous les cinq secondes. Mais Bacri, j'ai rencontré, il prenait un café dans le premier arrondissement il y a 10 ans. Et je ne suis même pas allé le voir, mais il était là. Ben, parce que je ne veux pas le déranger. J'ai vu une jeune fille qui dit « Ah, je l'ai reconnu. » Bon, moi, je ne fais pas ça. Mais c'est un homme tout à fait extraordinaire. Grand comédien. Mais au cinéma, je trouve que ce gars-là, on essaie de lui faire jouer presque son propre rôle à chaque fois. Du Bacri. C'est du Bacri. Oui. Puis quand tu regardes le DVD que tu achètes, Bacri revient en force avec. C'est toujours du Bacri, c'est pas un rôle, c'est Bacri. Et ça reste un grand bonhomme, vraiment un être qui nous surprend tout le temps. Il est tellement intègre, il est tellement... Oui, il est intense en plus. Et surtout, il surjoue pas. Il n'a jamais surjoué, ce bonhomme-là. Il a toujours été dans l'exactitude, dans la simplicité. Oui, puis je me souviens de la dernière du brave soldat Schweck où je faisais le rôle. J'avais plusieurs rôles, mais je faisais un petit rôle d'une babouchka sur le siège de Stalingrad. Puis il donnait son manteau pour ma fille et je lui disais « Vous êtes une bonne âme ». Et le soir de la dernière, je lui ai mis la main sur le cœur, puis je l'ai regardé dans les yeux, il s'est mis à pleurer immédiatement. Ah, c'est bon. Mmh. Mais les gens qui avaient payé pour la dernière, ça devait être extraordinaire. Les gens étaient debout, ils pleuraient autant que vous autres. Oui, c'était une émotion à son... C'était beau. Est-ce que des rôles qui t'ont marqué? Mais je pense que... Que t'amènes encore avec toi dans ta vie, dans ton quotidien. Est-ce que des rôles qui t'ont imprégné? Je pense que vraiment, il y a un rôle qui m'a beaucoup imprégné, c'était Madame Pizzuti dans L'Ode à Scarlett O'Hara de Jean-René Lemoine. C'est une femme douloureuse qui partait à la recherche de son mari, puis dès qu'elle arrivait dans une ville, son mari était parti dans une autre ville. Ah oui. Et à la recherche. Elle finissait par s'échouer comme les baleines. Puis je pense à aller vers la mort. C'est un rôle magnifique. Et puis il y avait un questionnement sur le physique, sur le vieillissement, sur l'âge. J'ai joué ça très jeune, mais c'est beaucoup, beaucoup plus jeune que le rôle. Donc voilà, c'était vraiment très intéressant. Ça, c'est un rôle qui m'a profondément marqué. Aussi, je pense la mère de Roger dans Kliniken. Dans Crise de Lars Norén, où c'est une femme. Toute l'action se passe en hôpital psychiatrique et son fils parle d'elle comme la méchante qui l'a internée. Puis la méchante, elle arrive. C'est elle. Puis en fait, elle a été dans cet hôpital psychiatrique avant. On apprend ça parce que son fils la battait puis la violait. Alors, on parle souvent des enfants battus. Oh, oui, mais il y a une raison de... Et les parents battus. Oui, derrière. Oui, on n'en parle pas beaucoup. On n'en parle pas beaucoup. Mais c'est je veux dire, ça m'avait marqué parce qu'elle s'était... à peu près sorti de là par une espèce de religion à côté évangélique. Oui, oui, oui. Elle était encore plus hypocrite, folle. Hypocrite, cachée. Non, mais elle était folle. Oui, oui, OK. Chaque fois, elle venait voir son fils toutes les fins de semaine. Chaque fois, son fils la violentait. Encore. Ah, oui, oui. Donc, c'était moi, j'ai des gens qui sont venus voir ça. Puis, c'est troublant. Qui m'ont dit à la fin, est-ce qu'on peut te faire un bisou pour te prendre dans nos bras? Je dis, écoute, j'ai un partenaire génial. Est-ce que c'est malsain comme pièce en même temps? Non, c'est pas malsain, c'est juste un... Ouais. Ben, je pense qu'il faut lire l'œuvre de Lars Noren aussi. C'est très écorché vif. Oui, oui, c'est ça. C'est pas malsain. Puis j'avais un partenaire, Zakaria Gouram, qui était formidable, qui jouait mon fils. Et on avait tout vraiment très placé physiquement. Ouais. Là, tu fais ça, tu prends mon t-shirt. OK, je t'accompagne avec le bras. Tout était placé. C'est-à-dire que quand tu as des scènes de violence, ouais, tu ne peux pas y aller au feeling. Non. Parce non, que sinon, préparé, tu fais mal. Oh, oui. Il faut oui, que tu sois hyper préparé. Il n'y a pas d'improvisation là-dedans. Non. Moi, j'ai un mari qui fait beaucoup d'arts martiaux, puis qui, de temps en temps, s'occupe de faire des bagarres, de chorégraphier des bagarres au théâtre, okay, pas au cinéma. Ah, ouais. Okay. Mais il fait autre chose dans la vie aussi. Okay. T'ont fait grandir. Mais ces deux rôles-là, c'est parce que tu peux pas être imprégné de rôles qui t'ont pas fait grandir. Tout rôle t'a alimenté, à leur façon, bien sûr. À leur façon, oui. Je pense que oui. Puis, quand la dernière, pas la dernière, mais une des pièces que j'ai jouées, celle que j'ai pas du tout aimée, que j'ai pas aimé non plus le metteur en scène du tout, ça a pas collé. Ah, ça, oh, non. Est-ce que ça arrive souvent ou c'est rare? Non, moi c'était la première fois que ça m'arrivait, franchement. Et tu te sens comment vis-à-vis ça? Bah, j'ai eu affaire à quelqu'un c'est un pauvre type. Alors les pauvres types, tu vois, tu passes, tu dégages. Tu vois ce que je veux dire, tu dégages. Ouais, je n'en parle plus jamais, c'est tout. Mais c'était... dans chaque pièce, tu as du bon à prendre. Donc là, j'avais un partenaire qui jouait mon amant dans la pièce. Mais en fait, c'est pas écrit que c'est qu'il jouait mon amant, mais on avait décidé de développer ça, parce qu'on trouvait ça le fun. Puis qu'il était vraiment correct, le gars. Donc on a vraiment ri à faire ça. Puis j'avais un autre partenaire extrêmement, extrêmement pénible. OK. Méchant et pénible. Dans la vraie vie, là? Non, dans... OK, dans le rôle. Dans le rôle. OK, OK, OK. Dans la vraie vie. OK. Depuis 27 ans avec celui qui est mon mari depuis 20 ans. Oh. Puis c'est un chou. Et puis là, tout le monde fait un grand pataquès avec la femme du président de la République. Tu sais, parce qu'elle est plus vieille que lui. Ouais, mais moi, ça fait 27 ans que j'étais avec ce gars-là qui est bien plus jeune que moi. Ah ah! Cougar avant l'invention du mot. Mm-hmm. Hey, j'ai 10 questions. Ah oui, OK. Et j'aimerais savoir. Donc, tu sais pas. Tu sais pas. Non, je sais pas, si mais tu... ça me stresse, là. Attends, mais je non, mais non, mais non, c'est... Si tu étais un liquide. Si j'étais un liquide. Ce serait du champagne, hein, parce que c'est bon et pétillant. Ben oui. Et si tu étais une ville? Il y a quelques années, je t'aurais dit Paris. Mais maintenant... Quelques années, il n'y a pas eu 10 ans? Oui, il y a 5 ans même. 5 ans, 5 ans, oui. Maintenant, je te dirais que je suis... Une ville, c'est très difficile. Peut-être une ville avec la mer. Une ville où il y a la mer. Okay. Une ville près de l'Atlantique. Une ville en Bretagne. Oh oui. Okay. Près de la mer. Si tu étais une langue. Pas l'allemand. Non, mais je serais vraiment française. Ok, la langue française. La langue française, parce qu'elle est pleine de nuances, elle est pleine d'accents, elle est pleine de complexité, elle est pleine de finesse aussi. Elle est pleine de poésie. Oui. C'est important la poésie dans ma vie. Jean-Claude Dreyfus a dit une langue de cochon. Jean-Claude Dreyfus a une queue de cochon. Si tu étais une époque, comment ça tu sais ça? Ben, c'est parce que j'ai tourné avec lui et je le trouve bien fin. Si tu étais une époque, c'est pas grave, mon émission est diffusée à minuit. Donc. Non, c'est parfait. Si j'étais une époque... Ah, je serais... Les années 70. Ah oui? Ouais. Pourquoi? Pour rencontrer... Plein d'espoir. OK. Plein d'espoir encore, puis... Déjanté. Okay, beaucoup ben plus que maintenant, beaucoup moins sage que maintenant. Puis beaucoup moins politiquement correct, beaucoup plus pété, beaucoup plus. Les années 70. Éclaté. Plus éclaté. Ouais, plus éclaté. Si tu étais un mot. Ça serait quelque chose autour de. Variable, variation, changeant. Okay. Variation, peut-être. C'est plus subtil. Oh, oui, oui. Et en plus, ça peut varier. Oui. Si tu étais un aliment. Un aliment. Un fruit de la passion. Ah ben oui. Parce que c'est sucré et acidulé en même c'est temps. C'est vrai, c'est vrai. Et la couleur. Et... Et l'odeur. Oh, oui, l'étrangeté. Si... Oui. Oh, oui, c'est... Si c'était une saison. Oui. L'hiver. Ah oui. Avec la neige. Pas l'hiver plate de Paris. Là. L'hiver québécois avec beaucoup de neige, avec des traîneaux, puis des chiens, puis des patins à glace. Pays, puis... Ce n'est pas un pays, c'est l'hiver. Des fois, j'ai envie de ça. Est-ce que tu reviens souvent au Québec? Je n'y suis pas retournée. J'y allais beaucoup. J'y suis allée même en un an et demi, 11 fois. Tu vois. Mais là, je n'y suis pas allée depuis 10 ans. Il y a eu une grosse rupture familiale. Okay. Il y a eu énormément de décès. Okay. mais je pense que j'y retournerai un jour. Mais le, alors, tes racines sont moins plus vraiment montréalais. Oui, j'ai de moins en moins envie de longs voyages en avion. Ça me saoule. Ah oui, oui. Et puis, je me dis que j'ai tellement autre chose à découvrir. Mon mari m'a amené il y a 3 ans. Je connaissais un peu l'Italie, mais il m'a amené à Venise. Ah oui, ah oui. Pendant 5 jours. Je voudrais connaître Prague. Je voudrais aller à Berlin. Je ne connais pas. J'ai des amis, des amis d'école, figure-toi. Ah, okay. Je connais. École de Montréal. Oui, on a fêté nos 50 ans d'amitié. Ah, oui. Il y en a une qui vit à Montréal, dont je t'ai parlé. Oui. Il y en a une autre qui vit à Londres. Okay. Et puis moi, à Paris, on a fêté à Londres nos 50 ans d'amitié. Nos 40 ans, c'était à Montréal. Donc peut-être nos 60 ans d'amitié, ça va être... Le film de Marie-Claire Poirier, La quarantaine. Non. C'est des amis qui se retrouvent, des amis d'école, ils avaient 10 ans, ils se retrouvent nous, on à 40 ans. 6 ans, ouais. 40 ans. C'est génial. C'est un film tellement extraordinaire, réalisé par une femme exceptionnelle, celle qui a réalisé Mourir à tu tête, l'histoire du viol. Tu te souviens de ça? C'est un film qui nous remue. Mais mes amis, pour moi, c'est ma famille de cœur, sont mes vrais. C'est ma vraie famille. OK, c'est les étudiants de l'époque. C'est les étudiants de l'époque. Et puis, à Paris, je me suis construit une famille de cœur. Avez-vous vraiment changé, les amis d'école? On se posait la question. C'est mon ami qui est à Montréal qui me dit « Si on se rencontrait maintenant, est-ce qu'on s'entendrait? » Comme la chanson de Patrick Bruel, là. « Si on se retrouve dans 15 ans. » Oui. Ouais. Non, moi, c'est juste pour... Je sais pas. Je pense que oui. OK. Mais vous seriez pas déçu de certains? Non, je pense pas. Ah ouais? Je pense pas. On est toujours prêts. Sur la même longueur d'onde? Oui! Alors, on se dispute de temps en temps, ben oui, mais c'est pas grave. Amis, mieux on, mais on a envie que l'autre aille bien. Ben puis, oui. Et... puis là, j'ai une amie que tu vas rencontrer demain, qui est ma famille ici. Ok. Je vais t'en dire des nouvelles. Si tu étais membre corporel. Je serais tout ce qui fait partie du pharynx, du palais, okay. De la voix. Ah oui? Oui. Ok. Est-ce que tu as fait beaucoup de voix-off? J'en ai fait. Ok. J'ai fait... Non, pas tant que ça, mais j'ai fait des choses intéressantes. Un beau DVD, par exemple, sur Jacques Herold. Sur des peintres, un peu pour la chaîne Equidia, j'ai fait quelque chose sur l'île des Sables qui est à l'est de la Colombie-Britannique, du Nouveau-Brunswick, entre le Nouveau-Brunswick, puis c'est une île où il y a des chevaux sauvages, donc il y a beaucoup de chevaux, j'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup faire ça. Je fais de temps en temps des petits, comment on appelle ça, des petits panouilles là, en doublage, mais... ce que j'aime, c'est faire des voix off sur des choses comme ça. Est-ce que ça doit aller vite dans ce milieu-là? Est-ce que tu dois travailler rapidement? Est-ce que le oui. Contrat... Oui, hein, c'est ça. Oui. Alors, il y a pas beaucoup de... Tu dois vraiment suivre les indications. Oui. C'est un peu comme au cinéma, là. Il y a la... C'est ça, il y a la bande des mots. Okay. Si tu étais un moment de la journée... Je serais... La nuit. La nuit? La nuit. Ah. Je suis un être de nuit, moi. Ah, je suis une oh là là là là. Alors, tu te couches très tard et tu te lèves très tôt, tu te lèves très tard et tu te lèves très tard? Je me couche très tard et je fais comme je peux. Alors, quand je peux, je dors. Et puis, quand je dois travailler, je suis sur le piton, comme on dit, quand tu peux. Alors, mais je me couche rarement avant 2 heures du matin. Ok, alors la création est là, présente à 3 heures du matin? Toujours. 2-3 heures du matin? Girl! je commence beaucoup et puis l'écriture est un travail trop solitaire pour moi. J'aime les gens, j'aime la communication, j'aime les gens, j'aime le groupe, j'aime être avec des gens. Donc, ouais. Mais tu as écrit un Non, je ne sais pas, peut-être. Mais en tout cas, là, sur le spectacle de Victor Vatar... Suisse-Belge, là. Ouais. Ouais, c'est ça, c'est assez Suisse-Belge. Suisse-Belge, français. Sur le texte, je fais des remarques. Mes remarques sont toujours prises en compte, sont assez... Ils disent que c'est pertinent. Non, on va commencer, on doit retravailler des choses du texte. Fin août, on commence les répétitions, on répète tout le mois d'octobre. Fin octobre, c'est présenté au Casino Théâtre de Roll. Roll, c'est une petite ville. Et non, entre... quoi, ça se trompe avec Hall. Non, c'est pas Hall, c'est Roll. C'est entre Lausanne et Genève. Il n'y a pas grand-chose à part un magnifique Casino Théâtre, un très bon restaurant, une petite île, ça donne sur le lac. Mais il y a un château aussi. Mais il y a Jean-Luc Godard qui habite là. C'est la ville de Jean-Luc Godard. Ah, oui, il habite à Roll. Puis tout le monde le check parce qu'il vient chercher ses clopes, tu sais, pour fumer au petit tabac du coin. En ronge, en arrière. Alors tout le monde check comme nous, moi aussi. Donc je vais essayer de pas trop faire la groupie, mais je vais essayer quand même de dire trois mots. C'est un des seuls qui a toujours été sur sa ligne. Oui. Qui a toujours été en marge. Il a toujours été un intellectuel intense. Oui. Et il n'a jamais cogné ce qu'il avait dit, même de plus grotesque. Moi, j'adore ce gars-là pour ça. Moi aussi. Si tu étais un autre individu. La première réponse qui m'est venue est tellement conne, mais j'aimerais dire je serais un joueur de hockey du Canadien de Montréal. Guy Lafleur? Je ne sais pas. Un ancien ou un ancien, certain. Ok, Guy Lafleur. Parce qu'il a joué aussi avec les Nordiques. Tu sais qu'un de mes premiers chums, ça a été un joueur de hockey, du Canadien. Okay. Je m'excuse pour la ville de Québec, à l'époque, il n'y avait pas d'équipe de hockey à la ville de Québec. Je vous aime, c'est... Québec. Okay. Non, mais tu sais, c'est vrai, il n'y avait pas à l'époque. OK. Et? Et? Ce monsieur? Ce monsieur, je ne sais pas ce qu'il est devenu. Non, mais est-ce qu'il était bon au hockey? Il était très, très bon. Il était... Je parle au hockey, là. Non, mais il était très bon au hockey. Puis moi, j'étais bien jeune. Puis j'étais encore à l'école des... Ouais, faut que je te commence. J'étais à l'école des Marcelines. Puis il m'a dit, tu sais, si on gagne la Coupe Stanley, viens défiler avec moi rue Sainte-Catherine, tu sais, dans l'auto. Ouais. À l'époque, c'était moins vie que maintenant, je pense. J'avais dit, oui, c'est correct. Il avait gagné la Coupe cette année, puis le défilé, c'était l'après-midi. Ça fait que dans un cours de maths, j'avais prévenu mes deux amis, toujours mes deux grandes amies. J'ai dit, énervez-vous pas, là, c'est fake. À l'époque, je saignais facilement du nez. Ça fait que je me suis donné deux petits coups de poing, pam, pam. Puis je me suis mouchée très fort. Puis là, j'étais couverte de sang. Je faisais, madame, je me sens pas bien. C'était un prof de maths. J'aimais pas ça, les maths. J'aimais pas ça, les sciences. Et puis là, je me suis évanouie par terre, comme par hasard. J'ai joué le grand truc. Ma mère n'était jamais là, ils ont essayé de l'appeler, j'étais pas là. Donc ils m'ont renvoyé en taxi. Là, je savais comment faire pour arrêter un saignement de nez, tu sais, avec deux parents médecins, c'est drôle. Je me suis changée, tu sais, j'ai mis des jeans, j'ai enlevé le uniforme. Là, j'ai fait des bye-bye. Puis le soir, la directrice, la sœur directrice a appelé ma mère en disant, savez-vous où était votre fils cet après-midi? Ma mère a répondu, bien à l'école, je suppose. Elle a dit, ben, ouvrez n'importe quelle chaîne de télé. Puis moi, je faisais des babayes. J'ai été virée de l'école pour mon secondaire 5. J'ai dû me trouver une autre école. Ma mère a dit, je m'en occupe pas. Et puis, je me suis ramassée à Sainte-Anne-de-la-Chine, où je suis sortie avec une gang de motards. Je me suis fait des bien bonnes amies de filles aussi. On peut pas savoir le nom du bois. Hein? Okay. Alors, donc, à choisir, est-ce que tu fais le même chemin? Ouais. Il y a des gaffes que je ferais pas. OK. Ça fait avec le bon d'hockey. Non, ça c'était correct. Peut-être pas celui-là, j'en prendrais peut-être un autre. Mais il était tout un peu marié. Lui, j'étais dans les deux plus jeunes. OK. Il y avait Mario Tremblay puis l'autre l'anglophone. Moi j'étais sortie avec l'anglophone. De Mario Tremblay. Mais je suis pas sortie avec Mario. OK, non, mais c'est. OK. Alors on va aller voir le. C'est un petit jeune. C'était les petits jeunes. Il fallait pas non plus. Okay. Et donc c'est correct, mais ça a pas duré longtemps. Non, mais c'est mieux de même. Hein? Comme ça fait des beaux souvenirs. Oui, c'est ça. Quand ça reste trop longtemps, c'est les souvenirs, c'est ça. Et est-ce que tu es content de ton cheminement? Oui, il y a des erreurs encore que je me dis que je ne ferai pas. Il y a des gens... Moi, je fais toujours confiance. Je suis toujours... j'ai un côté ouvert, donc je fais confiance aux gens. Puis j'ai eu... Est-ce que tu es moins ouverte parce que tu comprends ce que les autres peuvent amener, ben, ou tu l'es tout autant? J'essaie de l'être tout autant. Ah oui? Mais maintenant, je me méfie plus. Parce que je me suis fait trahir, je me suis fait planter des couteaux dans le dos. Ça m'est pas mal arrivé dans ma vie. C'est sûr de se relever. Ouais, surtout quand c'est ta famille. Ok, ta famille, ok, ok, ok. Ta famille, tu veux dire ta famille de sang. Il y a une personne de ma famille avec laquelle je parlais encore il y a un an. C'est ma demi-sœur, la fille de mon père, qui est décédée à 92 ans au mois de mars 2016. Donc voilà, c'est un âge pour mourir. Mais je te dis, j'ai eu là, cette année-là 5 décès. François Barbeau, ma demi-sœur, c'était rough, tu sais. C'était rough. Oh, mais le reste de ma famille, c'est fini. Mais quand ça t'arrive, ces choses-là, est-ce que tu te replies vers la littérature, vers la musique, ou si tu veux être seule dans ton coin et j'ai un mari qui est très correct avec moi, qui est là, qui me respecte, qui me prend dans ses bras, qui fait « écoute, moi je serai toujours là pour toi ». C'est ça, c'est beau, puis hein? Si tu as des amis, puis dis « moi non plus, j'ai pas une famille facile puis... ». Mais moi, les trahisons de ma famille, ça a été assez effrayant. Ça a été... violent. Ça n'a pas été correct. Violent. Dur, violent. Et puis, bon, c'est des cons. C'est des peignes-culs. Tu connais l'expression peignes-culs? Oui, oui, ben, ben voilà, c'est des peignes-culs. Ouais, ouais. Mais... là, tu t'es comme nettoyé de ces gens-là. Ah ouais. Donc, tu les rencontres plus. Parce que moi, j'ai remarqué. Pourquoi le clan, c'est beaucoup ils sont plus aussi... les amis, les gens de oui. théâtre, les gens oui, oui. de... Et tu puis, t'es formé une famille. Je me suis formé une famille sur laquelle je peux compter, à part c'est pas mal. Ils peuvent compter sur moi aussi. Ce qui te déçoit peut-être, c'est de jamais avoir été reconnu à travers ta famille, et à travers le groupe qui t'entoure. Ouais, en même temps... disons, mon demi-frère, je l'aimais énormément. Il est décédé aussi. Lui, je pense que tout ce qui s'est passé après son décès, ce ne serait pas passé s'il avait été vivant. Il n'aurait pas laissé faire okay, certaines choses. Alors, quand certaines personnes sont mortes, il y a des bouches oui, qui se sont ouvertes. C'est ça. Puis il y a des... Mais pourquoi? Écoute, je pense qu'il y a beaucoup une part de jalousie. De l'envie. C'est-à-dire que moi, je suis celle qui vit à Paris, je vis dans un château. Tu voyais mon trois pièces, là? Tu sais, c'est pas un château. Tu sais. Mais c'est ça. Donc, on arrête tout de suite. Il y a une espèce d'envie, puis il y a aussi un truc, ma mère n'a pas été très nette sur son testament. Puis, je vais me passer la famille qui ont profité, c'est comme pour... vampiriser? Ah, ben, qui ont tout pris, tu sais, okay. Quasiment. Okay. Et puis, j'ai dû me battre fort, mais bon, j'ai pas voulu non plus engraisser un avocat. Puis, à un moment donné, j'ai fait « Oh, fuck, laissez faire, parlez-moi plus jamais. » Et ils ont une espèce de vision de moi, alors que je suis partie depuis si longtemps. Ils sont dans l'idée qu'ils se font de moi. Et même mon mari, à un moment donné, il a dit à certaines personnes de ma famille « Mais comment vous pouvez dire ça ?» De Brigitte, moi je vis avec elle. Parce qu'ils se sont créés. Moi je vis avec elle depuis tant d'années. Je la vois tous les jours, au quotidien. Ils se sont créés une fausse image. Brigitte. Mais tant pis pour eux. C'est pas mon problème. Non, non, non. Et je veux pas que ça devienne le mien. C'est ça. Mais il y a une blessure à ce niveau-là, c'est sûr. Et du coup, j'ai jeté un peu le bébé avec l'eau du bain parce qu'il y avait peut-être des gens un peu plus gentils dans ma famille. Et j'ai dit non. Ça a pris le bord. Alors, je réponds pas aux mails, je réponds pas au téléphone, je réponds pas aux lettres. Ouais, c'est ça. Fais vivre pour soi. Il y a des envies, moi, tu peux avoir des envies. Mais ça, moi, les envies. J'aurais envie, j'ai de plus en plus envie de travailler parce que j'ai donné des petits stages en Suisse. J'ai travaillé de temps en temps en Suisse. Je sais pas, la Suisse m'appelle. Tu sais, j'ai vécu à Londres, j'ai vécu à Montréal, j'ai vécu à Londres, j'ai vécu à Paris. Je me verrais vivre en Suisse, mais c'est trop cher. C'est vrai que c'est cher, la Suisse. Oh là là. Je suis allé à Lausanne, c'est très cher. Ouais. Très cher, très, très, très beau. Tonight. Ailleurs, je sais pas. Genève aussi, j'aime beaucoup Genève. J'aime. Mais à Lausanne, les gens. Lausanne. Mais le mec est de Lausanne, pour qui je vais faire la mise en scène, là. Ah, il vient de Lausanne. Fabien Ferrari est de Lausanne. Parce que tu ne l'as pas dit de Lausanne, tu m'as dit que c'était un Suisse, ok. Nous mangions sur du gazon, ok? Et les gens, les passants, nous souhaitaient bon appétit. Mais oui, c'est comme ça en Suisse. Ben oui, mais c'est incroyable, c'est hallucinant, c'est merveilleux. Si tu ne crois plus à l'humanité, va en Suisse, va à Lausanne, et c'est là que tu vas recroire au monde. Parce que je trouve que c'est la vérité. C'est de faire attention à l'autre, même si on ne le connaît pas. L'intérêt, c'est pas de vouloir connaître. C'est de prendre les gens quand on les voit et de les apprécier, même si on ne connaît pas leur vie. T'sais, on n'est pas obligé de connaître leur vie. Non. Le moment présent. C'est ça, important. Tu vois deux personnes qui mangent, bon appétit, c'est la gentillesse même. Et ça, on l'a oublié aujourd'hui, la gentillesse. Peut-être, je ne sais pas. Moi, il y a quelque chose, en tout cas. Dire une gentillesse gratuite, mais c'est bien aussi la gratitude. C'est bien aussi. Moi, je m'occupe aussi. Beaucoup des migrants. Je donne des cours de français aux migrants. Ah, c'est bien ça. Là, j'ai arrêté pendant un petit bout de temps parce que j'ai fait une pneumonie. OK. Ah. Donc ça, c'est là, un peu top. Ça fait longtemps, la pneumonie? Ben, je suis guérie depuis un bon 15 jours. Mais c'est long. C'est long, c'est ça. Ça dure 5 semaines et demie. C'est très semaines. Puis ça grûle. J'ai été fatiguée, mais j'ai pas arrêté une minute. C'est ça, mais c'est pour ça aussi que tu as de la difficulté à te relever de ça. Là. C'est ça. Tu sais, j'étais restée couchée 15 jours, mais ça me ressemble pas. Maintenant, je suis atterrée de voir combien à Paris, quand je suis arrivée à Paris, les gens étaient fous, généreux, ouverts. Puis, tu sais, quand il y a les étudiants, par exemple, quand on était étudiant, moi j'étais étudiante à Paris, quand il y avait quelque chose, on se mettait tout ensemble. Puis maintenant, c'est devenu tellement individualiste. Ouais, c'est, oui. La France est devenue un pays hyper individualiste et ça me déçoit. Ouais, ouais. Moi, je me suis beaucoup, beaucoup engagée politiquement aux dernières élections. Et tu as été très déçue également. J'ai été très déçue. Ben oui, comme beaucoup d'artistes et beaucoup de personnes qui... Et j'ai été très déçue aussi par des gens qui ne veulent plus me parler parce qu'ils disent que je suis stalinienne, que je suis communiste, qui me disent « Moi, j'ai travaillé pour avoir ce que j'ai, je ne me vois pas le partager avec les autres. » C'est ça. Mais qu'est-ce que tu fais pour les autres? C'est pas une question de partager, là, tes sous, là. Arrête de penser sous. Qu'est-ce que tu fais pour les autres? Oui. Effectivement, on vit en communauté. Là, je veux pas donner des leçons, mais on vit avec le monde. Est-ce que tu as beaucoup de projets? As-tu de plus en plus des gens qui font appel à toi? J'espère. Allô? Je suis là. Non, mais as-tu beaucoup de projets? Est-ce que tu as refusé des choses? Non. Non. Même j'ai dit, là, j'ai une fin de mois. Là, j'ai appelé mon banquier. Okay. Il m'a dit, je suis mal, là. C'est tranquille. J'espère. Jusqu'en octobre, j'ai rien, pratiquement. Comment ça? Mais j'ai rien. Mais t'es plus enseignante en ligne? Ben là, on est au mois fin juin. Ah, c'est terminé. Okay. Donc, j'ai rien. Ah, oui, okay. J'ai rien. Mais là, t'as pas... J'ai rien jusqu'en octobre. C'est quoi, d'accord? Ben, c'est le projet. Je vais faire une mise en scène en Suisse. OK. Ben, c'est quand même très bien. Là, très bien. Mais pourquoi tu fais pas tu prends pas ce temps-là pour prendre des vacances? Ouais. Ben, j'ai pas d'argent pour prendre des vacances. Oh, non. Amène-moi en vacances. Ouais, à Québec. Non, j'ai pas mon passeport. Je peux même pas y aller. C'est ça, oui. Mais... les projets, ça permet comme ça. Non, mais moi, j'ai choisi cette vie-là. C'est-à-dire qu'il y a des moments... Quand j'ai des soupes, j'en ai eu. Hein. J'en ai eu beaucoup. J'en ai fait, j'en ai eu. Je l'ai dépensé. Je suis partie en vacances. J'ai fait des beaux voyages. J'ai offert des choses à mes amis. Puis après, j'en avais plus. C'est ça, je dis les années 70, mais j'aime bien aussi être dans le présent. Avec les gens, tu sais, j'ai pas de... Mais... Il y a un côté... Pour moi, si t'as des sous, tu dépenses à faire ce que t'aimes avec les autres. Puis moi, j'ai choisi un métier où des fois j'en ai, des fois j'en ai pas. Là, mon mari... j'étais élevée quand même au Québec, les femmes sont indépendantes, Rénal. Là, depuis quelques années, c'est... Moi, je suis pas mal plus vieille que mon mari. Puis, C'est au début de notre relation, c'était moi qui faisais bouillir la marmite, ça ne me dérangeait pas, c'est parfait. Depuis quelques années, c'est lui. Puis là, je suis comme, ben... Puis lui, je sens qu'il est quelque part fier, content. Tu sais, c'est un mec... Il est né en Espagne, sa famille s'est installée ici quand il avait 3 ans, donc il se considère plus français qu'espagnol parce qu'il dit que les Espagnols auraient jamais dû accepter Franco mais mourir jusqu'au dernier plutôt que d'accepter Franco. Non, c'est un anarchiste. C'est bien, mais c'est pour ça que c'est devenu ton copain. C'est pour ça que c'est mon amoureux aussi. Mais après, il s'est installé dans la région de Saint-Étienne, une petite ville qui s'appelle Firminy, qui était tenue par le maire Théovial Massin, un communiste, un grand résistant, plusieurs fois décoré et tout. Puis il a grandi là-bas. Puis moi, je l'ai rencontré, je jouais à la Comédie de Saint-Étienne. Puis c'était un petit Flo, tu sais, qui venait voir le show. Un petit flou. J'avais 30 ans, il y avait 22. Ok, oh, ben là, 8 ans. Mais c'est un flou. Mais maintenant, ça n'a plus d'importance. Mais oui, c'est ça. 30-22, c'est comme c'est ça, un flou. Ça s'accote, hein? est-ce que tu trouves que tu as autant de vivacité qu'à l'époque? Parfois plus. Je fais partie de ce que peut-être les Français intellectuels appellent les quinquados. Ouais, ouais, ouais. Tu sais, regarde, ouais, ouais, J'ai pas de tailleur, là. Je suis en jean, tu sais. Oh, oui, c'est ça. Oui, t'es dans le Je suis pas peignée, je me peigne jamais, tu sais. Je me peigne jamais, c'est pas beau. J'ai les cheveux longs, je me peigne jamais. Alors, t'as plus d'énergie? L'énergie est différente. Okay. Sur certaines choses, j'ai effectivement plus d'énergie. Je trouve que j'ai une moins bonne mémoire, ça m'énerve, mais j'ai quand même une très très très bonne mémoire par rapport à beaucoup de gens. Mais moi je sens qu'il y a une petite différence, donc je la travaille le plus possible. Puis malheureusement, j'ai une DMOP, ça les Québécois connaissent ça, ici c'est pas très connu. Donc je me suis fait opérer des muscles des paupières, donc je fais attention de comment j'avale pour pas faire de fausses routes. Ça peut créer des pneumonies, hein? Oui. Et là, j'ai les ischios, des fois, qui lâchent les muscles des jambes. Donc, moi, j'ai tendance à courir partout et à me déplacer beaucoup à pied. J'aime ça marcher. Donc, c'est ça. Mais à un moment donné, je fais, écoute donc, pourquoi je m'accroche, puis là, je regarde. Mais sinon, t'as ça sur ton téléphone, tu sais. Ah oui, j'ai marché 10 km. Oh, bon, ben, je vois. Mais oui, 10 km, je fais là-bas, OK. Bon, avant je pouvais courir partout, maintenant c'est plus... Donc là-dessus t'en as moins, mais au niveau créatif t'es aussi... Non, j'en ai plus au niveau créatif. J'ai plein d'idées, c'est pas les idées qui me manquent. J'ai plein d'envies, plein d'idées, c'est les finances. Okay. Mais ça, bon, tu viens avec, puis tu fais une raison, puis pas malheureuse. Est-ce que tu projettes dans les années à venir, pour terminer? Est-ce que tu voudrais faire quelque chose dans les années à venir? As-tu des projets? Oui. Je voudrais monter certaines pièces, vraiment. À partir de... est-ce que tu en parles aux gens qui pourraient t'aider à mettre ça en branle? J'en parle, mais c'est le même problème partout. C'est les sous. Puis, mon délicieux metteur en scène que j'aime tellement, Jean-Louis Martinelli, ils l'ont mis à la retraite de Nanterre. Il montre les choses comme il peut. C'est dommage. Les gens qu'on retire malgré soi, malgré l'énergie et les idées qu'ils ont encore. Mais là, moi, je regarde, tu sais, j'ai fait un calcul et puis j'ai calculé ma retraite. Puis si je veux une retraite, comme on dit, à taux plein, il faut que je travaille encore 10 ans. Ah oui? Oui, okay. Jusqu'à 67. Et puis après, je vais à peu près avoir 1100, 1200 euros par mois, ce qui est pas lourd. C'est pas mal. Mais à Paris, c'est pas beaucoup. C'est ça. Oui, c'est pas beaucoup. Mais tu peux aller vivre en région. Mais c'est-à-dire, moi, c'est vrai que... Oui, mais... Je vais vouloir continuer à travailler, je me connais. Something light, something to set your soul alight. vous écoutez Errance Rénaldienne sur CKRL-LF, le 89.1 à Québec, avec Rénald Gagné. Ben, un acteur n'arrive jamais... Jamais. Gisèle Casadesus, ça sent un an. Ou 102, je sais plus. 100, je pense. Ben, Michel Bouquet. Qui a joué jusqu'à la fin de sa vie. Ben oui. J'avais 99. J'ai vu Galabru, il y a 3 ans, jouer du Pagnol ici à Paris. C'était incroyable. Au conservatoire, j'ai eu Michel Bouquet comme professeur, assisté de Georges Berlaire. Que j'ai rencontré, non pas à mon émission. J'étais au théâtre pour aller voir Francis Huster. Ah oui. Puis Francis Huster jouait le rôle d'un curé. Et lui est arrivé. Quand les lumières se sont on lui a placé une chaise. Il y a un monsieur qui s'est assis à côté de moi. Je l'ai regardé. Je l'ai reconnu. Il était assis à côté de moi. Ah oui. Ah oui. Puis là, Francis Huster, la lumière s'allume à la fin. Bon, lui, il est là. Il a posé. Il remarque. Il dit il y a des gens. Heureusement qu'il y a certaines personnes qu'on ne sait pas. Qui sont là lors de... Ah oui, parce que... Parce qu'il dit... Hey, mais tu meurs. Il était là, c'était extraordinaire. Quel bonheur. Mais il y a 92 ans, oui. Il joue Il a joué encore... Molière récemment. Il a joué à une pièce aussi qui s'appelle... Avignon, j'ai entendu parler sur France Culture il y a 2 ans, Molière. Oui. Ah, c'est ça, hein? Puis là, récemment aussi, à Torre quelle mémoire, récent. 92 ans. Galabru aussi. Ah oui, mais, ouais. Non, non, mais il y a de la mémoire quand même. Il y a de la mémoire pour tout ce qui est Molière, okay. Pour tout ce qui est. Pour les classiques. Oui, pour les trucs contemporains. Ou pour le Roi Sommeur qui a joué une fois. Ah oui, c'est fois. Ça, c'est le Roi Sommeur. Non, c'est ça. Voilà. Ouais, c'est le Roi Sommeur. Ah, oui, oui. Mais veux-tu aller voir des pièces, là? Je prépare des spectacles, moi, ici, sur le banc public. Okay? Mais je sais. Donc, à travers ça, on m'a invité pour 3 spectacles. Je m'en vais voir je m'en vais voir mon ami, il ne me connaît pas là, mais j'ai beaucoup d'amis qui ne me connaissent pas. Tony Bennett demain, okay. À l'Olympia de Paris. Et ensuite je vais aller voir Midnight Wall, ça c'est jeudi la semaine prochaine. Et j'organise 3 spectacles et il y a deux humoristes qui m'invitent au une petite salle de rien, 80 places. Comment ça s'appelle? Il y en a tellement. Oui, il y en a tellement, mais en tout cas, à côté de Juste pour rire. OK. Non, en tout cas, je me souviens plus du nom. Mais ouais. Vas-tu aller en Avignon, à Avignon? À Avignon, non. Non. Avignon, pour moi, c'est un peu comme ça, c'est un affaire. Mais d'accord. C'est-à-dire que moi, j'ai plein d'amis qui vont jouer à Avignon. Tout le monde dit, viens-tu? J'ai dit, écoute, moi, me retrouver par 45 degrés, comme si j'étais aux Galeries Lafayette une veille de Noël, non, merci. Si j'avais des sous, pour aller à Avignon, tout ça, j'aimerais mieux aller en Bretagne. Oui. Mais il y a tellement de comédiens, de comédiennes, de réalisateurs, de metteurs en scène qui se ruinent pour monter leur pièce parce que ça fonctionne pas, c'est une foire. Mon ami Fabien Ferrari, là, il va faire 2 one-man shows, un tragique Europe Connexion, où il dénonce beaucoup de choses. Un spectacle comique qui s'appelle « Si la matière grise était rose, on aurait moins d'idées noires ». Et ça, je pense, c'est la 3e ou 4e année, je ne veux pas me tromper, l'un ou l'autre, qui joue à Avignon à guichet fermé. Donc, ça a du succès et il va être dans une pièce qui s'appelle... je me souviens, mais « Quand je pense à Audrey Hepburn ». Ça, c'est des productions suisses. Ah, c'est bien. Mais 3 spectacles, il faut être un sportif. Oui, avant de terminer, j'aimerais que l'on parle d'un grand réalisateur québécois, metteur en scène, surtout, il a fait du cinéma. Robert Lepage. Ah oui, Robert Lepage. As-tu la chance de le rencontrer? De le rencontrer, non, mais j'ai un très bon ami de très longue date. On était toute une bande. Quand j'étais encore à Montréal, il y avait une bande qui avait fait le conservatoire. Jean-François Blanchard, qui a beaucoup travaillé avec lui. Anne Dorval. Ah oui. Et il y avait du conservatoire, il y avait de Xavier Dolan, c'est ça. Et puis il y avait Jacques Lussier aussi. On était une bande, on était tout le... Et Pascal Bello, qui maintenant est prof à l'UQAM. On était une bande, on était tout le temps ensemble. Il y avait Patricia Tulan, qui est une grande, qui défend beaucoup les animaux, la cause animale au Québec. Oui, ça, c'était la gang. Oui, okay. Et puis, bah, moi, je suis partie. Donc, j'ai pas eu l'occasion de le rencontrer. J'aimerais, avant de se quitter, oui. que tu me... En fait, j'aimerais savoir ton appréciation de l'improvisation. Ah ben moi, j'ai connu l'improvisation. Ben oui, du temps de Gravel. Ben oui, alors j'aimerais que tu m'en parles. Alors, es-tu pour ou si t'étais contre? Écoute, au Québec, j'étais vraiment pour. Et puis... Au début. OK. Après, je suis venue en France et puis c'est venu en France. Moi, j'ai fait... je t'ai dit que j'étais retournée à Montréal un temps, j'ai eu envie de peaufiner. Moi, je veux dire, quand j'étais petite, j'avais un rêve, qui n'était pas de devenir actrice, mais très, très petite, là, 2-3 ans. Je me disais, qu'est-ce que tu veux faire quand tu vas être grand? J'ai dit, je veux parler toutes les langues du monde pour pouvoir parler avec tout le monde. Et ça, c'était mon rêve, donc j'en ai appris le plus possible. Ah oui, tu parles combien de langues? Je me débrouille en italien, je me débrouille en espagnol, de moins en moins bien. Mais en anglais très bien, et en français, j'ai appris l'alphabet cyrillique quand je suis allée en Russie pour pouvoir lire au moins des petits mots de russe, mais pas suffisamment. Et j'ai pas eu le temps de faire ça, et ça c'est quelque chose que je vais faire sûrement. Mais quand je suis retournée donc, à Montréal, je me suis dit je vais faire des études théâtrales à l'université, mais je vais essayer de faire ça en anglais, à Concordia, m'entraîner. Et il y avait un groupe d'improvisation. Okay. Puis on faisait des choses inter... universitaires. Universitaires. Et puis, notre équipe avait gagné. Hey, j'étais contente. Quel plat, je sais pas, on était blancs, je pense. Ah, mais blancs, okay. On avait vraiment, physiquement, c'était incroyable parce qu'on était... Il y avait une espèce de grand gars blond. C'est comme les classelles. Puis il y avait... Il y avait un autre blond, puis il y avait une fille noire, puis un gars noir aussi. Okay. Donc on était comme des blonds, deux noirs. C'était trop bien. Bon, on s'entendait, mais on faisait des parties. C'était le fun, par exemple. Puis c'est venu en France. Au début, c'était vraiment très bien. Puis, à un moment donné, c'est vraiment devenu la grosse guignolade. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus de choses poétiques, il n'y avait plus de choses sensibles. Ouais. C'était tout le temps du waf, waf, waf. C'était pas waf, waf, waf, c'était pas lourd. Ouais. Ça faisait rire personne. Maintenant, il y a des petites troupes qui se montent. Et là, il y a une bande qui sont issues de l'école Claude Mathieu, l'école dans laquelle j'interviens, qui ont fait un spectacle de... c'est le public vraiment qui décide qui font un spectacle d'improvisation. Ils ont appelé ça Hôtel Gravel. Oh, et moi, je leur ai écrit un mot en disant merci pour l'hommage. Non. J'y suis sensible. Hôtel Gravel. Et ils m'ont répondu en disant s'il y en a une qui pouvait comprendre, c'était bien. Ben toi. Oui. C'est beau, hein? C'est beau. Donc, si tu vois ça un jour sur ton chemin, Hôtel Gravel, je vais essayer de t'envoyer ça sur. Merci beaucoup, je parle trop maintenant. Non, pas du tout. Puis merci de m'avoir proposé tellement d'invités. On va parler de bijoux, j'ai 3 personnes. Ah ouais? Ben oui, cool. De joaillerie. Cool. Ben là, tu sais que moi je te connais? Par qui? Sonia Pavlik. Ben voyons, Sonia que j'ai rencontrée samedi Sonia. Avec la belle Aline. Eh bien, Aline est bien aussi. Tu sais que Sonia et Aline... Enfin, Sonia a écrit... Oui, oui. Okay. Sonia a écrit et réalisé un film qui s'appelle Un après-midi, petite sœur. Avant ça, La femme à tête de chou. La femme à tête de chou avant ça. Je connais, ouais. Ah, ouais, c'est tous mes élèves dedans. Ah oui? C'est ton élève? Et puis, Sonia m'a fait tourner dans Un après-midi, petite sœur. Donc, je l'ai vu. Avec Alice. Ben, c'est moi la méchante mère. Oui. Et puis, celui qui joue mon fils, c'est un ancien élève. Celui qui joue le fiancé de ma fille, c'est François Desbosses. Faustine, elle a Aline aussi. Sur un projet de Rimbaud. Ah oui, Sonia. Super, hein? Oui, Sonia. C'est super ce qu'elle a fait. Grande dame. C'est une femme que j'aime beaucoup. Oui, je l'ai connue très rêveuse. Aujourd'hui, elle est un peu moins rêveuse et je trouve que ça y va mieux. Oui. Elle est moins évanescente. Oui, voilà. Mais j'aime beaucoup Sonia. Elle est tout aussi pétillante. Mais c'est une belle rencontre. Ben, Brigitte, merci d'être passée à mon émission. J'espère qu'on se reverra. Ben, j'espère te voir sur scène. Mais oui! the world's forgotten boy, the one who searches and destroys. Honey, daddy, help me, please. Somebody gotta save my soul. Baby, that's late for me. Oh! Look out, honey, cause I'm using technology. Radiation in the dead of night, love in the middle of a firefight. Oh, they gotta strike me blind. Searching to destroy. And honey, I'm the world's forgotten boy, the one who's searching only to destroy. In the dead of night, love in the middle of a firefight. Oh, you gotta strike me blind. Searching to destroy. And honey, I'm